Préface de l'auteur. On peut trouver d'autres ouvrages plus attrayants que celui-ci. Mon but, en le composant, a été de préparer à mes enfants des sujets de délassement dans les intervalles de repos que les affaires laisseraient à leur esprit. J'ai suivi l'ordre fortuit dans lequel s'étaient présentés mes extraits. Toutes les fois que j'avais en main un livre, grec ou latin, ou que j'entendais rapporter quelque chose de remarquable, dès que mon attention était frappée, et sur quelque sujet que ce fût, je prenais des notes sans ordre et sans suite. C'était, pour ainsi dire, des provisions littéraires que je mettais en réserve pour aider ma mémoire. Cet ouvrage présente donc la même incohérence de matière que ces notes premières prises à la hâte, sans méthode, sans ordre, au milieu de recherches et de lectures de toutes sortes. Comme c'est dans la campagne de l'Attique et pendant les longues nuits d'hiver que je me suis amusé à composer ce recueil, je l'ai intitulé « Nuit attique ».